Paul partira en juin. On vous l'a dit ? Oui, on m'a dit qu'il partirait en juin. 1. L'école fermera cet été, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'elle fermerait cet été. 2. Nous ferons une fête, on vous l'a dit ? Oui, on m'a dit que nous ferions une fête. 3. Il y aura un orchestre de jazz, on vous l'a dit ? Oui, on m'a dit qu'il y aurait un orchestre de jazz. 4. On dansera toute la nuit, on vous l'a dit ? Oui, on m'a dit qu'on danserait toute la nuit.